Papoterie, un podcast retour sur la vie. Je m'appelle Victoire Mataouchek. Alors, Béatrice se marie à 19 ans, je me marie à 19 ans. Alors ça, on est casés et on épouse toutes les deux un architecte, toutes les deux blonds aux yeux bleus, mais ils n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Nous nous sommes mariés en 64 et c'est à ce moment-là que j'ai quitté le 16e arrondissement. À l'époque, le service militaire était censé durer 27 mois. Donc, ayant fini les EOR d'Angers, il a été muté à Bordeaux-Biscarros en tant qu'architecte et jeune officier. Et il a dirigé un bureau d'études militaires. C'était intéressant. Ça lui a mis le pied à l'étrier d'une certaine manière. Et il a fait connaissance sur place de l'urbaniste en chef de la région, qui après lui avait dit quand tu auras fini ton service, si tu cherches du boulot, voilà ma carte, tu peux toujours, etc. Et effectivement, il a été salarié dans ce cabinet pendant quelques temps. Je vais dans le Paris 14e, rue Darot, qui donnait sur le boulevard Saint-Jacques, et nous y avons vécu donc d'avril 64 rapidement, mars 65, on voulait s'agrandir, mais avec les prix parisiens de l'époque déjà, on s'est installé à la mairie des Lilas, et pour le même prix, on avait 3 pièces au lieu d'un studio. Et là, on est resté jusqu'à septembre 66, parce que là, j'attendais un premier enfant. Un podcast retour sur la vie. Les premières années, j'ai travaillé à IBM. J'avais une amie américaine qui travaillait elle-même à IBM. Et elle est venue me trouver en me disant « Est-ce que ça te dirait d'enseigner le français à des étrangers ?» Mais on a fait déjà l'expérience avec des vrais profs, ça n'a pas du tout marché, ils n'ont pas aimé, ça ne donne rien. Alors, est-ce que ça te dirait d'appliquer la méthode que nous avons, qui est une méthode, je me souviens plus bien d'où venait cette méthode. C'était une méthode américaine, mais qui n'était pas mauvaise, c'était un peu convenu, mais bon, pour l'époque, c'était pas gênant du tout. Et il y avait rien d'enregistré. C'était uniquement un gros bouquin. Ça commençait, bonjour, je vous présente monsieur machin, mademoiselle Intel, bonjour Janine, comment allez-vous? Très bien, merci. Enfin bon. C'était de la conversation courante et j'ai bien sûr accepté. En plus, c'était très bien payé. Et pendant 2 ans, de 64 à 66, j'ai donc travaillé Cité du Retiro, qui donne sur le Faubourg Saint-Honoré, à 2 pas de l'Élysée, quartier très chic, à côté d'Hermès. Et ça a eu tellement de succès que j'ai embauché ma sœur, puis après un copain qui était peintre et qui aurait bien eu besoin de mettre du beurre dans les épinards, qui faisait ça aussi très bien. Et puis, enfin, on s'est retrouvés au point... Enfin, bon, je ne vais pas aller trop vite parce que moi, j'ai arrêté à cause de la naissance de Victorine. Bah oui, Victor, Victoire, Victorine. Ça allait de soi. Et bah, j'ai arrêté de travailler. On a quitté les Lilas. Et on s'est installé chez mon grand-père, qui était veuf depuis peu, qui s'est retrouvé tout seul dans un pavillon avec un jardin. Et on s'était dit, mais pour élever un bébé, c'est quand même plus agréable d'être un petit peu campagne, parce que il y avait un bois juste à côté, c'était très agréable, Châtenay-Malabry, la vallée aux loups. Donc, on est allé voir mon grand-père, il a dit que bien sûr. Donc, Victor a aménagé le grenier, qui était vraiment un grenier plein comme un œuf, et il nous a fait un espace adorable, très chouette, très déco. Et en sous-pente, et on s'est installé, donc il a fait ça très vite. Et donc c'est à ce moment-là que Victorine est née. Papoterie, un podcast retour sur la vie. Et jusqu'à 68, mai, avril. Et là, il y avait un besoin d'aller trouver des sous. Donc, j'ai demandé à mon amie Barbara, l'américaine, si je pouvais revenir dans le circuit à mi-temps. Et elle a dit, pas de problème, tu pourrais t'occuper des assignees qui sont à la Tour Nobel. Ça ne te fait pas rentrer dans Paris. De Châtenay-Malabry, c'était parfait. Donc, à partir de Pâques, à peu près, 68, j'ai commencé. Je venais le matin en voiture avec la vieille deux chevaux de mon grand-père jusqu'à la Tour Nobel, qui est à Puteau. Donc, j'avais pas besoin de traverser la Seine. Et la matinée, je faisais mes heures là-haut. Et c'était très bien. Et arrive mai 68. IBM France est en grève, mais pas IBM World Trade. Ça, non. Donc, je pouvais continuer. Et comme la deux chevaux n'usent pas beaucoup d'essence, je pouvais continuer de venir travailler sans problème. Mais je longeais toutes les usines en grève avec toutes sortes de slogans, pains, etc. Mais bon, ça se passait bien. Je n'étais ni étudiante, ni salariée de quelque chose où il fallait lutter contre le patronat. Non, j'avais aucune raison. J'étais plutôt de droite, très, très conservatrice. Je votais de Gaulle, bien sûr, sans l'ombre d'une hésitation. Et je voyais ces gens de temps en temps. Qui sortaient de partout, qui ne ressemblaient plus du tout aux gens que j'avais eu l'habitude de voir dans les rues. C'est pas possible, ces gens-là, ils étaient où avant? Je les aurais remarqués. C'était très étrange. Un changement radical qui m'a pas mal perturbée. Et avec tout ce que ça a engendré comme excès. Par exemple, l'école où Victor avait fait ses études d'architecture, parce qu'il avait fait ses études en France. Il était diplômé de l'école spéciale d'architecture Boulevard Raspail. Eh bien, l'école était dévastée, pillée. Aux Beaux-Arts, c'était pareil. Pillée. Les antiques, les livres, des livres d'art magnifiques de la bibliothèque qui disparaissaient sous couvert de révolution. Moi, je veux bien, mais bon, je trouve ça bon. Et tout le monde se devait d'avoir des idées nouvelles et tout. C'était, je trouve, pas très sincère pour la plupart et assez artificiel, mais c'était politiquement incorrect de ne pas adhérer. C'est là que ça a commencé, ce politiquement correct, dans mon esprit. Il fallait être de la tendance. Et non, même si on n'avait pas envie. Déjà, aux États-Unis, énormément de mouvements. On peut dire que ça s'est fait un peu accidentellement. Et puis ensuite, la machine est lancée et tout le monde vient dedans. Mais dire qu'il n'y avait absolument rien de programmé, enfin, dans mon esprit, ça ne... Mais quand il y a un train qui est en partance, on saute dans le train parce qu'on veut en être. Et moi, je n'avais pas envie d'en être. Et bien entendu, je continue de voter De Gaulle. Et puis, il s'en va. Après, ben, je vote Pompidou. Il meurt. Alors, ben, je vote Giscard, etc., etc. Papoterie, un podcast retour sur la vie. Et après, ça va changer. Ah, attends, d'abord, il faut revenir à notre histoire, parce que Victorine, elle va pas rester toute seule longtemps. Il va y avoir 4 ans après la naissance de Victorine, la naissance de Guillaume. Alors, un tout petit détail, mais tu verras si ça a de l'intérêt ou pas. Guillaume était censé s'appeler Marc. Il se trouve que début janvier, puisqu'il est né le 4 janvier, il avait neigé. De toute façon, il neige pour chaque enfant. Victorine est née en novembre, il neigeait. Guillaume est né dans la neige et Jean est né dans la neige aussi, en février. Et toujours un lundi. Ah oui, donc le lundi est un jour merveilleux. contrairement à la plupart des gens qui n'aiment pas trop le lundi. Moi, j'aime le lundi. Et donc, j'avais, il y avait que 15 jours par rapport au terme. Victorine était née avec 3 semaines d'avance. Donc, Guillaume, il était donc programmé pour dans 15 jours, mais j'avais quand même senti des trucs et j'étais allée voir la sage-femme le matin à Meudon et elle m'avait dit « ça se pourrait bien que le travail commence ». Compte tenu du temps et de la circulation, venez ce soir, mais pas trop tard pour qu'il n'y ait pas de risque de dérapage. Donc, restez tranquille dans la journée et puis à ce soir. Bon. Alors, pour rester tranquille, c'était un lundi. Je m'installe. Ma belle-mère était de passage chez nous et on s'installe. Ma belle-mère et moi, devant la télé, et on voit un vieux film. Et un vieux film dans lequel tournait mon père, qui s'appelait Guillaume. Donc, un film que je n'avais jamais vu. Merveille de merveille, enfin j'étais très ravie de voir ça. Et puis le soir, je vais à la clinique avec Victor, on dit à Victor, « Oh là là !» C'est loin d'être commencé, vous pouvez rentrer chez vous, on vous appellera. Donc il rentre à la maison, il retrouve sa mère et son beau-père, et puis, en fait, on le rappelle 1 heure après pour lui dire « vous avez un garçon ». Alors il pensait que c'était une blague, parce que l'accoucheur était un copain, mais il y avait aussi son frère, et c'était le frère qui m'avait accouché, lui, ils n'étaient pas tout le temps de permanence. Alors bon, il était fumasse, hein. Il était fumasse de pas avoir assisté, parce qu'il avait assisté à la naissance de Victorine. Et le lendemain matin, il m'appelle pour me dire, bon alors, je vais à la mairie, on est bien d'accord, je déclare Marc. Ah, je lui dis non, ça a changé, tu déclares Guillaume. Ah, Guillaume Oscar, c'est le vrai père de Victor, donc pas son beau-père, et Georges, le beau-père de Victor, donc Guillaume Oscar Georges. Évidemment, ça, le film de la veille, c'était pas par hasard, c'était vraiment fait pour. Donc Guillaume porte le nom de son grand-père qu'il n'a pas connu. Mon petit Guillaume chéri, mes deux Guillaume chéri. Papoterie, un podcast retour sur la vie. Depuis le baptême de Victorine, nous avions fait connaissance du curé de la paroisse de Châtenay-Malabry où nous habitions, et un homme, un intello, qui avait été très longtemps à Stanislas, directeur des études, tu vois, un type très intéressant, et ça nous avait rapprochés, et de là où j'avais cessé une pratique régulière, non seulement je l'ai reprise, mais Victor, qui lui n'avait pas du tout été élevé de manière chrétienne, parce qu'il vivait en pays communiste jusqu'à l'âge de 18 ans. En plus, il avait été baptisé à la fois catholique, puis ensuite orthodoxe, et puis ensuite, c'était le communisme qui avait triomphé. Donc, les jeunes, il était hors de question qu'il suive une quelconque pratique. Or, lui, ça l'a intéressé. Donc, et le père Permillet, il s'appelait Permillet, nous a séduits l'un et l'autre. Et donc, on est devenus des ouailles, des pratiquants. Et nous faisions partie de ce qu'on appelait la préparation au mariage, le CPM. Alors, c'était des couples jeunes qui préparaient les jeunes fiancés qui avaient déposé des demandes de mariage religieux, et on leur proposait des séances de préparation, discussion, etc., bâton rompu, et puis il y avait un volet médical, dans le sens comment faire pour ne pas avoir de bébé tout de suite, quelles sont les différentes possibilités, quelles sont les précautions à prendre. On parlait de contraception, la pilule, d'accord, mais pas avec la cigarette, il faut choisir, hein, parce que les deux, ça, pour les femmes, c'est pas génial. La méthode des températures, la méthode Ogino qui a fait ses preuves, et etc., etc., etc. Revenons à IBM. Après 68, peu de temps après, on a décidé avec l'équipe des profs d'IBM, c'est-à-dire ma sœur Michel et je sais pas qui, de créer notre propre méthode. On avait des crédits pour monter un laboratoire de langue, un étage entier qui nous était consacré dans un immeuble qui appartenait à World Trade sur la place de la Madeleine. Parfait. Et pendant quelques temps, on s'est bien amusé. On avait des séances, des séminaires. On organisait des séminaires d'une semaine. Alors, il y avait les épouses des assignees. Et puis, il y avait les assignees eux-mêmes. Ça, c'était Michel qui s'en occupait. Et ça, on a été très bien payés aussi pour la rédaction de cette méthode. Michel faisait les illustrations, puisqu'il était peintre, donc il faisait tous les dessins. Et nous, on faisait les textes, les exercices, les dialogues, etc. Et puis, moi, j'étais toujours à mi-temps. Donc, ça me convenait. Je rentrais l'après-midi, enfin je partais, je ne déjeunais pas sur place, je rentrais à la maison. Le matin, il y avait la femme de ménage donc, qui était à la maison. Moi, je prenais la suite et on a fonctionné comme ça jusqu'au moment où, attendant Jean, je me suis dit, trois enfants quand même, ça va comme ça. J'arrête là, j'arrête le boulot à l'extérieur. Et donc, Jean est né en 73, de 73 à 75, la rentrée 75, j'étais à la maison. Et Victor avait mon grand-père était mort avant la naissance de Guillaume. Donc, nous avions envahi toute la maison. Bon. Et puis, alors, après, il y a eu la naissance de Jean. 2 ans après Guillaume, il y a eu Jean. Et là, avec des lectures et un choix politique qui a complètement changé. Là, je votais à gauche. C'était fini Giscard. On voulait plus de Giscard. On voulait de Mitterrand. Non, c'était plus... Allez. On mettait aux oubliettes et Victor et moi étions toujours quasiment d'accord sur tout. Alors ça simplifiait. On n'avait pas que les prénoms en commun, on avait beaucoup en commun. Mais c'est parce que c'est quoi qui te séduisait dans le programme de Mitterrand ou dans ce qu'il proposait ? C'est très curieux parce que c'est, j'étais très inconstante. En fait, le côté oui mais non ou le côté en même temps de Macron me correspondrait assez bien parce que je suis ça et ça, ça et ça. Et je ne peux pas rester focalisée sur un truc. Trop de droite m'ennuie, trop de gauche m'ennuie et m'insupporte. Je trouve tout borné. Par exemple, la religion. Bon, pour avoir beaucoup pratiqué, on se rend compte que on est dans un milieu extrêmement borné. Les gens ne font que ça. Ils ne connaissent pas le reste. Or, moi, ce qui m'intéresse, c'est justement le reste. Tout. Pourquoi pas? Ça n'empêche pas ça. Et bon, épisode de gauche, mais en même temps, une fois que non, après, j'ai lu, comment s'appelle cet homme, ce philosophe tout à fait très laid, et passionnant. Et lui détruit, mais alors, le programme commun en 2 temps 3 mouvements. Et donc, du coup, je ne vote plus Mitterrand. Ce qui fait que quand il a été élu, en fait, je vote très souvent blanc. Parce que rien ne me convient. Je suis pas 100% d'un côté et pas du tout non plus de l'autre. Donc, je vote. Ça, c'est un droit absolu. C'est un droit. Donc, on l'exerce. Je n'ai jamais tu m'entends, jamais manqué une élection. Et quand je n'étais pas là, je donnais mon pouvoir à quelqu'un, mon pouvoir, ou je ne sais pas comment ça s'appelle, mais enfin bon. Papoterie, un podcast retour sur la vie. Continuons. Alors, donc, les trois enfants sont nés dans l'atelier de sculpture de mon grand-père. Victor avait fait son bureau, il avait sa secrétaire. C'était très bien. Et comme ça, c'était très près. Il n'y avait pas de perte de temps, de tout ça. Il commençait à avoir une clientèle de banque. C'était des petites affaires, mais bien payées. Je veux dire, bien payées dans le sens où ce ne sont pas des études pour rien. Parce que ce métier est un joli métier, le métier d'architecte, mais quand vous avez affaire à des promoteurs privés, très souvent, on vous fait faire des études, mais s'il n'y a pas de suite, ah ben c'est pas de chance, hein, on a travaillé pour rien. Alors que les banques ont ceci de correct, c'est que rien n'est fait pour rien. Donc, s'il n'y a pas de suite, ben vous êtes indemnisé pour le travail que vous avez fait au niveau où vous vous êtes arrêté. Donc, c'était quand même une sécurité financière bien agréable, ce qui me permettait moi aussi d'arrêter. Une fois que Petit Jean a été à la maternelle, j'ai proposé mes services à Victor en lui disant: je ne suis pas secrétaire, mais je peux le devenir. Si tu veux, je peux bosser avec toi. Pas de problème. La secrétaire que nous aimions bien a trouvé du boulot chez Bouygues sans problème. Et moi, j'ai commencé gentiment en bas. Gentiment, mais il voulait bien entendu me payer comme sa secrétaire, le même montant, avec les mêmes conditions, déclarées et tout. Et très rapidement, nous avons eu une inspection de l'URSSAF qui a considéré que non, non, non, je ne pouvais pas être payé si peu, compte tenu, il fallait me payer au tarif secrétaire de direction. Tu parles sans compétence, tapant avec deux doigts. C'était histoire de nous faire cotiser au max. Et on n'avait pas les moyens. Donc on s'est dit, c'est pas raisonnable, eh ben je ne serai pas payé. Donc, c'était ce qu'on appelle un conjoint collaborateur non rémunéré. Voilà, c'était mon statut pendant presque 30 ans. Et toi, ça te faisait pas peur l'idée Non. de pas pouvoir être indépendante si jamais, ou de pas Non. avoir tes sous et tout, ça Non. t'allait? Ok. Du tout. Tu sais, on faisait tout, tout, toujours ensemble. Alors, le boulot ensemble, les activités ensemble, tout ensemble. Voilà. Et ça a été là, le... Comme Victoire, tu vois, c'est l'équipe. Et on a quand même travaillé sérieusement pendant 30 ans. Quand on voyait débarquer, ah, le cabinet Matahouchek. Bon, voilà. Moi, je suivais les chantiers avec lui. J'étais pas plus bête qu'une autre. Donc, je me suis très rapidement débrouillée. Je connaissais toutes les entreprises. C'est moi qui établissais les marchés. Enfin, je faisais toute la paperasserie que je connaissais bien. Et puis, avec les clients, enfin, ça, après une banque, il y en avait une autre. Enfin, bon. Donc, on était tirés d'affaires, disons. Avec des hauts et des bas, mais relativement serein. Bien entendu, mon rêve, ça aurait toujours été d'avoir un budget. Mais ça, quand on est profession libérale, on n'a pas de budget. Est-ce qu'on sait ce que l'on peut dépenser? On ne sait jamais, puisqu'on ne sait pas si demain tu auras des commandes en suffisance pour te permettre d'envisager, etc. Non. C'est toujours, il faut voir ce que l'avenir vous réserve. Mais c'est une insécurité, mais quand même, ça allait. C'était moins insécure que être vraiment, comme mon grand-père sculpteur, ma grand-mère peintre et ma mère peintre. Alors là, on peut parler d'insécurité. C'était quand même un peu plus établi. On a fini par régler financièrement le problème parce que cette maison ne nous appartenait pas. C'était la maison de mes grands-parents, donc qui appartenait à ma mère. Alors, on a fini par acheter la maison, ce qu'on appelle une vente à terme, c'est-à-dire qu'on donne une certaine somme au départ et puis ensuite on verse une rente et on a épuisé, on est venu à terme. Donc c'était vraiment notre maison qu'on avait complètement rénovée, magnifique et tout. C'est normal, un architecte, ça sait faire ces choses-là. Elle avait beaucoup de charme. Et il y avait un petit jardin, il y avait le chien, il y avait tout ça. C'était et en bas, on traversait le jardin, on descendait une dizaine de marches et en bas, il y avait l'atelier de sculpture de mon grand-père qui était devenu notre bureau. Et ça pendant 30 ans. Et ça pendant 30 ans. Papoterie, un podcast retour sur la vie. Victorine est partie la première. Pour faire des études. Non, non. Tant qu'elle faisait des études, elle était à la maison. Des études histoire à la Sorbonne. Mais elle n'était pas convaincue. En fait, son rêve, c'était l'archéologie. Elle avait d'abord eu un premier rêve qui était de rentrer dans l'armée pour être conductrice, pilote d'hélicoptère. Ah. Seulement, elle avait fait des stages, elle avait passé des tests. Et elle s'était rendue compte quand même qu'il y avait des choses qui cadraient pas trop. Donc, elle voulait être honnête et répondre honnêtement aux choses, ce qui fait qu'elle n'est pas allée au-delà de. Et elle était bien déçue parce que, du coup, un rêve qui lui avait tenu pendant 4-5 ans s'évanouissait. Et après, étant étudiante, elle a fait des stages bénévoles d'archéo. Et ça, elle a adoré, en Bretagne. Elle a adoré au point que, vive l'archéologie, mais l'archéologie, c'est 10 ans d'études. Je ne ferai jamais 10 ans d'études, etc., etc., etc. Donc, elle s'était inscrite en histoire, à défaut. Et elle réussissait gentiment. Bon, sans être brillante étudiante. Et puis, elle est tombée amoureuse d'une femme, d'une autre étudiante. Et donc, au début, je ne peux pas dire que ça m'a follement plu que tomber amoureux d'une femme. C'était. Non, non, ça a vraiment. J'ai mal vécu ça, mais ça n'a pas duré longtemps. Parce que j'adorais ma fille. Et elle adorait sa mère, et on ne pouvait pas ne pas être en harmonie longtemps. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, j'ai dit à Victor, non mais ça peut pas durer comme ça, allez hop, elle est comme elle est, vive l'homosexualité si c'est ça qui la rend heureuse. Et ma foi, elle n'était pas pire qu'une autre, elle était même intéressante, et puis elle était architecte, hein, un bon point. Donc, eh ben, voilà, tout va bien. Et ça l'a boostée à un point fou. Elle est devenue brillante, mais brillante, brillante en histoire, en n'importe quoi d'ailleurs, faisant des étincelles. Elles sont allées faire un stage aux États-Unis, brillantissime. Après, elles ont fait un stage en Belgique. Brillantissime, toujours. Victorine, alors que c'était une élève très médiocre. Mais on m'avait dit le jour où elle trouvera sa voie. Oui. Bah effectivement, elle avait trouvé sa voie. Sa voie, en fait, c'était elle était amoureuse et elle se défonçait, quoi. Elle découvre qu'il y a une unité, comment ça s'appelait? D'archéologie préventive, qui toute nouvelle, qui s'ouvrait à Tours. Eh ben, elle va passer des tests, pas de problème. Et elle s'inscrit donc à la fac de Tours pour faire cette spécialité qui se faisait pas en 10 ans, qui se faisait en 2 ans. Mais alors, vite fait, on apprend tout, tout, tout, tout. Et évidemment, brillante, pas de problème, et des stages, et des trucs. Et nous, on regardait ça d'un bon œil, Très bien. Et donc, très rapidement, ben, elle a été diplômée de cette version d'archéologie. Et maintenant, c'est une brillante archéologue qui est connue, en tout cas bien connue en France, qui fait des trucs magnifiques et qui va bientôt avoir 60 ans. Ma toutoune, ma Victorine, qui m'adore et que j'adore. Je serais presque avec la larme à l'œil d'émotion. Alors, entre-temps, elle a quitté parce que, en fait, elle n'était pas heureuse avec elle et elle a fait sa vie avec une autre femme qui était également archéologue, ma belle-fille, parce qu'elles se sont mariées pour de vrai. Elles se sont mariées juste avant que Macron ne passe, parce qu'elles avaient une trouille bleue que ce soit le Front National, et que là, il y avait la possibilité de se marier, si ça passe, si ça s'est supprimé, vite, vite. Je pense que Victorine, elle aurait adoré être mère, et sûrement Sylvie aussi, mais elles étaient tout le temps sur des chantiers, et c'est pas l'idéal quand on veut élever des enfants. Elle était très très appréciée des enfants. Elle avait un sens extraordinaire. Les enfants viennent vers elle. Donc elle y a renoncé. Et puis après, ben, il y a eu l'âge qui est arrivé. Et puis voilà. Mais alors les chats, ça va. Il y en a trois et ça les occupe à plein temps. Elles ne sont pas à Paris. Elles sont à Orléans. Elles dépendent de la base d'Orléans. Elles sont toutes les deux dans la même base. Alors, elle a fait la connaissance de Sylvie parce que elle était dans la base d'Orléans et Sylvie était dans la base de Paris d'archéologues. Mais comme il y avait des mouvements syndicaux et que c'était à Paris que ça se passait, Victorine est venue à Paris. Elle a fait la connaissance de Sylvie. Voilà. Donc, Sylvie est devenue ma belle-fille et elle m'aime beaucoup. Et du coup, bah, je l'aime aussi. Ma fille est heureuse avec Sylvie. Elles s'apportent énormément mutuellement, mais énormément. Et c'est le couple le plus stable qui puisse exister. Et je pense que c'est assez souvent, assez fréquent dans les couples homo. Bon, on fait une pause. C'était Papoterie, un podcast retour sur la vie à l'espace Canopy.